Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le concours de tir des femmes artilleurs de lance-roquettes par grandes unités combinées de l'Armée Populaire de Corée. Aux exercices ont pris part les femmes militaires sélectionnées dans les grandes unités combinées de l'Armée Populaire de Corée. Le maréchal Kim Jong-un a reçu au poste d'observation le rapport sur la forme et la méthode du concours de tir avant de donner l'ordre de le commencer. En regardant les tireuses de roquettes occuper la position de feu, il a dit qu'elles sont vraiment fortes puisqu'il serait difficile de remorquer les lance-roquettes sur le sable qui s'enfonce jusqu'aux chevilles. Et il les a complimentées pour leur fidélité au parti, à la révolution, à la patrie et au peuple, qui ne diffère point à celle des hommes malgré la différence physique. Il a recommandé de les former mieux en combattantes indomptables, douillées de l'esprit révolutionnaire intrépide, pour qu'elles jouent un rôle décisif au grand combat pour la réunification de la patrie. À l'ordre de tir, les roquettes ont détruit successivement les cibles. Le maréchal a observé attentivement les femmes artilleurs de lance-roquettes et dit que les commandants doivent savoir correctement la volonté de la subite organisation du concours de tir, que les artilleurs doivent être prêts à faire mouche sur place à l'ordre de tir, quels que soient les endroits et le temps, et que pour cela, il faut que les exercices soient les entraînements efficaces semblables au climat de combat réel. En soulignant que les exercices irréels réitérés n'ont aucune valeur et que les militaires en payeront du sang dans la guerre, il a déclaré que la fidélité patriotique et le plus grand amour des officiers pour les militaires se manifestent par la demande intransigeante dans les exercices. Il a ajouté que tous les commandants de l'armée populaire ne doivent pas oublier que l'avenir éternel de notre patrie dépend des puissantes armes et doivent s'efforcer toujours pour le perfectionnement des préparatifs de combat. Sur ce, il a présenté de précieuses instructions pour parfaire les préparatifs de combat et le renforcement des forces d'artillerie de l'armée populaire de Corée. Accorder les efforts continus pour le perfectionnement des préparatifs d'artillerie, sachant que la guerre contemporaine est surtout le combat d'artillerie et que ces préparatifs signifient ceux de l'armée tout entière. Livrer plus énergiquement le mouvement d'artilleurs d'élite pour que tous les militaires soient capables de faire mouche de tous les ennemis sud-coréens dans toutes les situations sans égard au climat, au jour et à la nuit et à la saison. La compagnie des tireuses de roquettes relevant du 9e corps d'armée de l'armée populaire de Corée s'est classée première au concours des femmes artilleurs de lance-roquettes par grandes unités combinées de l'armée populaire de Corée. Les prix préparés en personne par le maréchal Kim Jong-un sont remis aux gagnantes. Il a serré une à une les mains des militaires championnes, les a encouragées cordialement et s'est fait photographier en souvenir avec les participants au concours de tir.